Nous informons notre aimable auditoire que toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé serait purement fortuite. On a parlé de cette nuit à l'hôtel, celle où tu n'as pas pu résister à te jeter sur elle, à la une des journaux télévisés. Toi tu passes pour un habile, laisse donc me note au poignet que l'on te voit faire du zèle. Ça aurait dû rester perso, oh oh oh, mais là c'était le coup de trop, oh oh oh. La prochaine fois tu feras sûrement plus attention, sors tes vitres, tous tes tracas et toutes tes tensions. Pas tout matin, elle t'a maté. Dès que t'attends, tu dois la tâter. Pas tout.